de fées en français. Le frère envieux et le génie vert. Il était une fois un soldat appelé David qui vivait dans le royaume de Glégote. David était le commandant en chef du roi et était respecté de tous dans le royaume. Les petits garçons l'estimaient beaucoup et les plus vieux souhaitaient avoir des enfants qui seraient un jour comme lui. David! David! David! Merci, David, tu es un homme si bon. Moi, quand je serai grand, je serai comme toi. Tout le monde adorait David, sauf son frère, Danis. Danis était le plus jeune frère de David et il l'enviait beaucoup. C'était une poule mouillée et au contraire de son frère, les gens ne l'appréciaient pas beaucoup. David, cependant, adorait son frère. David, tu as mangé? Oh, ne t'occupe pas de moi et garde tes inquiétudes débiles pour toi, tu veux bien? Mais mon frère... Mais Danis ne l'écoutait pas. Un jour, quand David reçut des mains du roi une nouvelle médaille pour sa bravoure, Danis fut furieux. Ça suffit! Ça suffit! Je n'en peux plus! Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mon frère! Il est temps pour moi de partir! Et ainsi, il partit pour le royaume voisin sur son cheval. Il cavala pendant des jours et arriva enfin à une forêt où il décida de s'arrêter pour se reposer. Enfin, je suis loin de mon frère et de ses suiveurs, mais le roi n'arrête pas de le flatter. Ah. À cet instant, ses yeux tombèrent sur une lampe posée sous un arbre. Elle brillait fort et attira la curiosité de Danis. Cette lampe a une forme bizarre. Il la ramassa pour l'inspecter de plus près. Elle a l'air creuse et inutile. Cependant, je dois dire qu'elle brille beaucoup. Je vais la garder. Je devrais pouvoir la vendre au marché d'un village du coin et en tirer un petit quelque chose. Alors, il rangea la lampe dans son sac et partit chercher quelque chose à manger. Il cueillit assez de pommes pour lui seul et s'installa sous l'arbre pour les manger. Tandis qu'il s'apprêtait à croquer dans une pomme, il entendit une voix l'appeler. « Maître, donnez-moi à manger. Moi aussi, j'ai faim. »« Hein? Mais qui parle ?»« Maître, c'est moi, votre serviteur. Faites-moi sortir, maître, et nourrissez-moi. En échange, je vous donnerai tout ce que vous souhaitez. » Danis fut surpris quand il réalisa que la voix venait de son sac. « Je suis en train de rêver ou quoi ?» Il plongea la main dans son sac pour en ressortir la lampe. Salut! Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, maître, moi! Hein? Maître, ne vous inquiétez pas, je suis votre serviteur. Frottez un peu la lampe et j'en sortirai. Comment être sûr que tu ne me feras pas de mal? Parce que vous détenez la lampe et quiconque détient la lampe est mon maître. Danis réfléchit en silence un moment. Bon, je ne risque rien à essayer. Et ainsi, il frotta la lampe et d'un coup d'un seul en sortit une fumée colorée. La fumée laissa ensuite place à un génie vert. Danis fut interloqué. Maître, merci de m'avoir fait sortir. J'ai vraiment faim. Cela ne vous dérange pas que je mange ces pommes? Hein? Oui, vas-y. Danis regarda le génie manger toutes les pommes en un instant. Il frotta son ventre et fit un rond. Excusez-moi. Berk. Maintenant, maître, dites-moi quels sont vos souhaits et je les exaucerai en un instant. Construis-moi une maison remplie de tout le luxe du monde que même un roi ne possède pas. Ah, comme vous voudrez, maître. Et en une seconde, d'un nuage de fumée émergea une somptueuse maison. Elle était couleur d'or et de nombreux oiseaux chantaient tout autour. Waouh! C'est incroyable! Que souhaitez-vous d'autre, maître? Je veux que tu m'amènes la princesse Lana. Oh, mais maître, cela voudrait dire l'enlever. Voulez-vous vraiment que je fasse ça? Oui, je le veux. C'est en effet la seule façon de me venger de mon frère, car il est fou amoureux d'elle. Comme vous voudrez, maître. Alors le génie alla au palais et se faufila dans la chambre de la princesse Lana. La princesse dormait. Trouvant le moment opportun, le génie utilisa ses pouvoirs pour faire disparaître la princesse. Mais alors, la servante de la princesse Lana entra dans la chambre et hurla en apercevant le génie. Ah! Oh! La servante sortit de la chambre immédiatement pour prévenir les gars. Le génie claqua des doigts et disparut en un éclair. David arriva dans la chambre en courant avec les gardes, mais il était trop tard. De retour dans la forêt, dans la maison de Danis, la princesse et le génie apparurent. La princesse se réveilla de son sommeil et, se retrouvant dans un environnement différent, elle paniqua. Où suis-je? Que se passe-t-il? Je suis désolée, princesse, mais j'ai reçu l'ordre de mon maître de vous amener ici. Ton maître? Es-tu un vrai génie? Je rêve ou quoi? À cet instant, Danis entra dans la pièce en tapant dans ses mains. Bienvenue, princesse. Où devrais-je dire? Ma prisonnière. Danis? Toi? Mais qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce qu'il se passe? Ce qu'il se passe, c'est que je t'ai kidnappé pour pouvoir donner une leçon à David et à tout le monde à Glegoth. Une leçon? Mais de quoi parles-tu? Là-bas, au royaume, le roi était dévasté. Ne vous inquiétez pas, mon roi. Je vais vous ramener votre fille. Mais comment vas-tu faire, David? Elle a été enlevée par un génie. À l'aide de ceci. David expliqua au roi qu'il avait une boussole qui pouvait suivre l'avancée des êtres surnaturels. Si on se base sur la direction vers laquelle pointe la flèche, elle se trouve dans la grande forêt d'Albaan. Alors vas-y, mon courageux David, et ramène-moi ma fille. Ramène-moi aussi la personne qui a osé la capturer. Je lui ferai subir la pire des punitions. David acquiesça et partit avec les soldats. Comment le fait de me kidnapper va donner une leçon à David? Oh, c'est parce qu'il est amoureux de toi. La princesse Lana fut si contente d'entendre cela qu'elle en oublia qu'elle venait de se faire enlever. Quoi? Il est amoureux de moi? Je suis amoureuse de lui depuis des années. Oh, merci beaucoup, Danis. Tu es un chou. Quoi? Un chouchou? Je ne suis pas un chouchou. Je suis Danis, le maître des génies. Techniquement, maître, il n'y en a qu'un, moi, alors... Tais-toi! Ce n'est pas important. Rien ne l'est, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est que je t'ai enlevé. Et je t'échangerai contre le royaume de Glegoth. Et quand je serai devenu roi, j'emprisonnerai David et je serai heureux pour toujours. Danis, voyons, sérieusement, tu connais ton frère mieux que quiconque sur cette terre. Tu penses vraiment qu'il perdra contre toi et ton petit bonhomme vert? Hé, un peu de respect. Toi, tu m'as enlevé dans ma chambre pendant mon sommeil et tu viens me parler de respect? Je suis désolé. Que se passe-t-il ici? Vous devenez amis ou quoi? Je suis en mission, moi. Alors la fenêtre s'ouvrit à grand fracas et David entra, suspendu à une corde. Désolé d'être en retard. Tu n'as rien, ma princesse? Ah oui, tout va parfaitement bien, David. Je n'ai même pas une égratignure. David sourit et se tourna vers l'autre côté de la pièce. En voyant son frère avec le génie, il eut un choc. Danis, toi? Oui, moi. C'est bien moi qui l'ai enlevé. Mais pourquoi? Parce que je te déteste. J'ai horreur que tout le monde t'estime et soit en adoration devant toi alors que personne ne s'intéresse à moi. Tu m'as fait de l'ombre toute ma vie. Je ne le supporte plus. Mais petit frère, je t'aime, moi. Ça suffit. Génie, capture-le sur le champ. Le génie resta droit et ne bougea pas. Danis se tourna vers lui. Génie! Eh bien, il est impuissant contre ma boussole. Désolé, petit frère, mais ta petite aventure se termine ici. Furieux, Danis chargea David, mais alors les gardes le devancèrent et l'attrapèrent. David remit le génie dans la lampe et l'offrit à la princesse Lana. C'est pour toi, ma princesse. Avec toi, elle sera entre des mains sûres. La princesse Lana sourit et enlaça David. Oh, je t'aime, David. Ce jour-là, David rentra au palais avec la princesse et ramena son frère devant le roi. Le roi fut fou de joie d'avoir enfin retrouvé sa fille. Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, puis le roi se tourna vers David. Je suis si fier de toi, David. Une fois de plus, tu as montré quel grand guerrier tu es. Dis-moi donc, quelle punition veux-tu que je donne à ton frère? Oh, mon roi, je sais bien que c'est mon frère qui a enlevé la princesse et qu'il mérite une punition. Mais le cœur d'un frère n'arrivera jamais à souhaiter le mal pour un membre de sa famille. C'est pourquoi je vous demande de libérer Danis et je m'engage à ce qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » En entendant cela, Danis éclata en sanglots. Il réalisa combien son frère l'aimait. Il tomba alors à genoux. « Je me suis trompé sur toi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on dit de toi que tu es le meilleur. » Le roi, qui assista à cela, fut très ému. « On dirait bien que tu as appris ta leçon, Danis. Mais je dois quand même te punir. Je t'appointe chevalier de l'armée royale. Lors d'une grande cérémonie, David et la princesse Lana se marièrent. Danis en fut très heureux. Quant au génie, eh bien, il fut libéré par la princesse Lana. Mais il choisit de rester dans le royaume et d'enseigner aux enfants les vertus de la gentillesse.